Mardi 1er octobre, Julie Gagné avec vous à la barre de l'aérospatiale jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, dans notre émission consacrée à l'univers des arts visuels, Fanny Hénon-Lévy vient nous parler de l'exposition Débordement de Caroline Gagnon, exposition qui est présentée à Engram. Également, on reste dans le double programme que nous proposait Engram et la bande vidéo, puisque on discutera aussi avec Nicolas Brault autour de son exposition Corps étranger à la bande vidéo. Il faut dire que les deux expositions conjuguent estampes et vidéo. Aussi, cette année, c'est le 35e anniversaire de la revue Inter Art Actuel. Et pour en parler, ben, Richard Martel, directeur artistique des éditions Intervention. Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse. Et bien entendu, Simon Roy nous a fait une sélection musicale qui viendra ponctuer le tout. Bonjour, Simon. Bonjour, Julie. Bon, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et cette semaine, on écoute Apes on Tapes. Ben oui. J'aime vraiment le nom du groupe. Juste à cause du nom. Sûrement, hein? Oui, ça m'a vraiment fait rire. Donc, Apes on Tapes, en français, on pourrait dire singe sur ruban audio, si on veut. Ça pas c'est un duo italien. Ils sont publiés sur l'étiquette Homework Records. On n'est pas proprement parlé dans l'art audio, mais ça se rapproche quand même assez un peu à mon goût. C'est musique électronique, c'est des collages audio. Ils se foutent un peu de la gueule, la musique pop. Ils intègrent ça dans leur univers. C'est comme une réinterprétation de la musique pop. C'est comme ça que je le vois, du moins. C'est vraiment intéressant. Ils ont déjà plus de 5 albums de publiés. Une belle petite découverte. Voilà. Simon, on t'écoute dimanche à Web Music. Oui, puis faut pas oublier qu'on peut télécharger les pièces en se rendant sur le site de l'aérospatiale. Vous pouvez avoir l'album au complet. Voilà, puis en plus, ben ça se fait gratuitement comme toutes les suggestions que tu nous offres. Oui, exactement. Eh bien, merci beaucoup. On s'en met tout de suite en oreille. On écoute So and Soul sur les ondes de CKRL. Après cet extrait de Apes on Tapes, je me tourne vers Raymond Poirier qui vient nous faire sa revue de presse. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Et l'univers des arts visuels, comment il va? Ben, il va bien. Si on a envie de consommer des arts visuels et qu'on a entre 13 et 17 ans, eh ben, je pense qu'on va très bien. Je sais pas si les gens ont vu ça passer dimanche dernier. Le gouvernement québécois a fait l'annonce dans le cadre des Journées de la culture. Ils ont décidé pour donner aux adolescents un plus grand accès aux trois grands musées d'État du Québec, ben, de réduire drastiquement le coût d'entrée. Donc, si on a entre 13 et 17 ans, ben, ça en coûtera $1 pour aller visiter le musée. L'objectif est lié à la, la volonté de créer, de, d'éduquer, de bâtir un public qui va fréquenter ces institutions-là et d'offrir la possibilité aux jeunes, ben justement, de pouvoir y accéder facilement, aux familles également, ben aux oui, devines. Parce qu'on s'attaque à une visite au musée à 15$ par personne, ça monte assez vite. Là. Exactement. Et le coût de 1$, ben c'est à partir d'aujourd'hui. Pour la région de Québec, ça inclut le musée de la civilisation et le musée des beaux-arts du Québec. Du côté de Montréal, c'est le musée d'art contemporain qui est touché. Alors, on verra si, effectivement, ben, la mesure aura entraîné des adolescents donc vers les musées, peut-être à la même date l'année prochaine. Tiens. Ben, c'est une belle nouvelle, en tout cas. Oui. Et puisqu'on est dans les musées, j'avais envie de faire un petit clin d'œil au musée de la civilisation qui est entré. En fait, ça a été annoncé de manière officielle en cours de semaine dernière, qui propose un événement, une expérience qui s'appelle Muséomix. Alors, c'est une série de journées qui vont avoir lieu à Québec, mais également un peu partout dans le monde. Donc, un marathon, en fait, de 2 jours, 3 jours de création, donc du 8 au 10 novembre. Et dans ces journées-là, eh ben des créateurs web, des créateurs informatiques, des muséologues, donc des gens de plein de spécialités devront trouver des manières, en utilisant les technologies, de mettre en valeur des collections des musées, donc des éléments qui auront été déjà sélectionnés, donc à l'intérieur, par exemple, des collections du Musée de la Civilisation. Et donc, un peu sur le principe de d'événements de création informatique, bon, on a parlé d'Iron Web, des hackathons, des événements comme ça, donc c'est une création en concentré, mais autour du patrimoine. Donc, il y en a déjà eu dans le passé, c'est la première fois qu'il y a un musée québécois qui décide de se lancer dans l'expérience. Ils ont déjà lancé plusieurs appels de candidature, peut-être d'ailleurs cherche-t-il encore des gens. Donc, si on veut un peu plus d'informations, mais de toute façon, tout sera sur le blog de l'aérospatiale, l'aérospatiale.wordpress.com. Petite initiative qui s'en vient tranquillement, en fait, du côté de Méduse. J'ai trouvé l'idée très intéressante. En fait, pour l'instant, ce qu'on a, c'est un appel à proposition aux artistes de Québec. Un événement qui va se dérouler du 5 octobre au 15 décembre 2013 dans le réseau de la ville de Montréal et qui sera également mis de l'avant à Québec jusqu'en février 2014. Ça s'appelle Distroboto. Alors, c'est des machines distributrices d'art. Alors, ah ouais? Pour 2$, donc on met 2$ dans la machine, et un peu comme une distributrice de cigarettes, d'ailleurs, puisque incidemment, c'est des anciennes machines de distributrices de cigarettes qui sont recyclées. Donc, pour 2$, on met le sou, on pèse sur le bouton, on choisit l'œuvre d'art qu'on veut acquérir, et on s'emporte acquéreur. Alors, on parle d'une grande variété d'œuvres d'art miniatures de diverses disciplines artistiques qui pourront être proposées à la vente. On parle d'art visuel, art médiatique, cinéma, films d'animation, littérature, photographie, poésie, musique, collage, sérigraphie, ça pourrait être des aimants, des macarons, des imprimés, des mini-DVD, des reproductions miniatures, donc tout est possible. Mais il faut que les œuvres seront faites comme en série. Exactement, okay. On l'imagine, l'imagine. Ouais. Et donc, en fait, jusqu'à récemment, il y avait eu des appels d'offres, justement, pour envoyer des prototypes. Donc, on donnait jusqu'au 1er novembre 2013 pour les faire parvenir. Et on verra, ben effectivement, si d'un côté, ben les artistes répondent présents. Fait, j'imagine que oui, parce que l'idée est vraiment agréable. Ben ouais. Et inversement, si le public aussi, il y aura des machines du côté de Méduse et du côté du Cercle qui feront leur apparition, mais si le public aussi en profitera pour se procurer ces petites œuvres. Là, ça donne envie d'aller faire un tour. Enfin, je suis curieux. Moi, c'est sûr que je vais m'en procurer. C'est trop sympathique. Sinon, autre nouvelle concernant le regroupement des artistes en arts visuels du Québec. Alors, ils ont décidé de produire un livre, une publication à l'intention des artistes, créée sans s'estropier ni s'intoxiquer. Alors, ils se sont rendus compte... L'énorme du travail pour les artistes. Comment on fait pour s'organiser un atelier? Comment on fait pour créer en sécurité? Donc, pour pas qu'il y ait d'incidents, pour pas qu'il y ait de problèmes. Donc, on parle quand même d'une variété de chapitres là qui vont parler des notions fondamentales quant au danger, au risque, à l'évaluation du risque. Ils ont essayé de faire des études aussi pour mettre de l'avant les dangers qui pourraient être présents dans des ateliers d'artistes ou dans des milieux de production, des principes de précaution, de prévention à un niveau acceptable, évidemment, réduire le risque face aux dangers chimiques, aux dangers ergonomiques donc les positions de travail et le reste. Donc, l'idée est de mettre de l'avant les bonnes pratiques de travail pour améliorer peut-être ou amener les artistes à améliorer eux-mêmes leurs conditions de travail. Donc, c'est des travailleurs autonomes. Des fois, on n'y pense pas tout le temps. Dans certaines entreprises, on a quand même un encadrement de ce côté-là. Mais quand on est chez soi, on y pense peut-être un peu moins. Et évidemment, il va de là de notre santé physique et évidemment aussi de notre capacité à produire quand même dans une durée et dans une période plus prolongée en termes de vie. Là. On parle d'années qu'on achète quand on travaille dans un cadre correct, finalement, en termes d'usure du corps. Alors, le guide est disponible à la vente, mais sinon, il y a des petits résumés aussi disponibles sur le site du regroupement. Et dernière nouvelle, en fait, je voulais simplement le mentionner, décès de Madame Céline Allard, historienne de l'art, commissaire, ex-présidente et fondatrice de Regard. Une annonce qui a été relayée par le réseau Art Actuel. Alors, en fait, donc, on transmet évidemment ici à l'aérospatiale nos plus sincères sympathies à la famille, aux proches qui sont éprouvés par cette perte. Et pour plus d'informations sur pour comment transmettre des messages de sympathie et autres, c'est via le site de la coopérative funéraire des Deux-Rives. Raymond Poirier, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Vendredi, t'animes La Vie en BD. Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs sujets, notamment, on va parler de Prit et Olga Parn, donc des grands maîtres de l'animation estonienne qui sont de passage à Québec, d'ailleurs, à partir de demain. Voilà. On s'en va en pause, on écoute World Big Wizard. Toujours à l'aérospatiale, Julie Gagné, bien entendu, avec vous jusqu'à 18h30. On s'en va faire un tour à la bande vidéo, puisque on discutera de l'exposition Corps étranger avec Nicolas Brault. Bonjour. Bonjour. Nicolas Brault, dans cette exposition-là, cette installation immersive-là, vous cherchez à faire ressentir aux spectateurs le sentiment d'étrangeté que peut vous inspirer votre propre corps. Ouais, en fait, ou le corps de le corps humain, notre corps en général, là, en fait, c'est un petit peu pour essayer de confronter un petit peu les représentations qui sont jamais complètes en fait du corps humain. Donc là, j'ai essayé de travailler avec les scans médicaux. Donc c'est un travail sur la transparence. Donc le désir de toujours vouloir voir plus loin à travers qui on est. Donc, c'est une espèce d'allégorie autour de ça. Et ces scans médicaux-là, ils viennent d'où, hein? C'est pas votre corps? Non, mais ça aurait été bien, ça. J'ai eu l'idée trop tard, comme ça. J'aurais changé de titre, j'aurais appelé ça introspection. Ah, mais, ben ouais, hein? Non, ça vient d'une banque d'images. J'ai eu des droits d'utilisation d'un centre de recherche aux États-Unis. OK. Donc, c'est une banque d'images, en fait. C'est un projet qui existe depuis déjà plusieurs années. Je pense qu'il a commencé en 95. Ah oui? Et oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est des cryosections. J'ai eu accès à des cryosections. Donc, c'est finalement deux individus qui ont été qui ont donné leur corps à la science et puis qui ont été cryogénés et puis coupés en petites lamelles. Ça fait un petit peu étrange de dire ça comme ça, mais donc là, c'est l'utilisation de ces vidéos-là, de ces tranches cryogénées-là, qui sont spatialisées dans l'espace. Donc, je recompose les images du corps qui ont été décomposées. Donc, c'est comme la reconstruction de fantômes, de vrai corps humain, là. Ah, c'est ça, parce que je disais, justement, vous parliez de fantômes, et je me disais, est-ce que c'est parce que il y a comme une transparence, un côté dématérialisé, mais là, quand j'apprends cette information-là, ça ajoute encore plus de sens? C'est ça, mais bon, j'ai pas voulu être trop direct là, dans toute la mécanique de la construction de mes images, parce que je voulais pas non plus que les gens arrivent avec des idées préconçues. Je voulais quand même que le projet soit libre et puis que les gens soit se posent des questions sur la fabrication des images, soit ne s'en posent pas et se laissent aller par cette esthétique-là. Oui, parce qu'il y a quelque chose de très, très, très poétique, hein, quand on, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, les mouvements qui sont là, il y a des certaines courbes, il y a l'ambiance aussi, là, donc on peut vraiment se plonger là-dedans, c'est contemplatif, voilà. Oui, c'est ça, j'ai essayé de faire un mélange entre, de jouer sur la fascination des images, puis sur leur étrangeté. Mais en même temps, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que bon, on sait que ce sont des parties du corps humain. Par moments, c'est plus clair, comme la main, par exemple. On voit, je pense qu'il y a un crâne aussi, ou la tête, je sais pas. Vous parlez de tranches, là. Je sais pas exactement sous quel angle. Ouais, les gens voient plein de choses, là. Des fois, on me parle de fœtus. Moi, j'ai pas utilisé de fœtus pour faire ce film-là. Mais, en tout cas, les images sont assez abstraites. Oui, parfois, on dirait même des cellules ou, Pardon? J'ai dit parfois on dirait des cellules aussi ou encore des méduses, là, il y a vraiment un jeu là-dessus, là. Ben même si c'était pas effectivement des cellules, j'ai essayé quand même de faire une espèce de portrait un petit peu originel, disons, du corps humain. Donc c'est comme des formes, on peut se dire que c'est des formes qui flottent dans une espèce de mer primaire, on va dire. Ouais. Ouais. Et ça me semble quand même assez différent là, de ce qu'on connaît de votre travail habituel. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de narration, on semble être un peu plus dans l'abstraction. Qu'est-ce qui vous amène à aller dans cette direction-là? Ben, je pense que c'est un désir de liberté. J'avais envie de faire un projet de recherche, sur le corps humain large, une espèce de, peut-être effectivement, un genre d'introspection sur... général sur qui suis-je et puis c'est ça là. Donc mais c'est sûr que tout ce qui est du choix des images dans le cadre médical, c'est sûr que ça vient peut-être aussi de mon expérience aussi dans les milieux médicaux là. Moi j'ai perdu ma mère il y a 12 ans de ça, donc je pense qu'ici un lien formel à faire, c'est peut-être le lien avec le corps médical en général. Donc, ce serait ça, à la base, qui vous a amené dans cette direction-là. Mais comment vous en êtes venu à trouver ces images-là? C'est une recherche, j'imagine, ou... En fait, c'est un petit peu la chance. Je suis tombé sur un travail d'un photographe qui faisait ça, des spatialisations de vidéos stratigraphiques, là. Et puis, ça m'a fasciné, ces images-là. Juste le résultat brut, là, du corps en transparence. Et puis je me suis dit que je pouvais m'emparer de ça, puis exploiter la sphère du mouvement, donc essayer de jouer avec le mouvement organique, justement, mais très libre aussi, là. C'est pas un mouvement que je pouvais vraiment contrôler. Donc c'est pour ça que je pense pas que ça l'est. Même si c'est des formes en trois dimensions, ça donne pas le cachet ordinateur 3D, là. Ça reste quand même très organique, là. Oui, il y a quelque chose de très flottant aussi là dans tout ça qui vient ajouter quelque chose de plus, vous l'avez dit, là, de plus organique. D'ailleurs, je me demande pour l'animation, comment vous avez fonctionné? Vous avez ces images-là, vous avez, on parle dans le communiqué d'une animation en linogravure, de peinture de lumière. Comment ça marche? Ben, premièrement, pour ce qui est de la linogravure, c'est un projet, j'ai envie de faire trois films sur le corps humain. Okay. Donc, la linogravure, ce que vous avez vu dans ce qui est présenté dans l'exposition, c'est plutôt un laboratoire de ce que sera le deuxième court-métrage. OK, donc les estampes au mur. C'est ça. Donc là, c'est plutôt un laboratoire qui est exposé. Puis pour ce qui est de la fabrication des images en peinture de lumière, je vais essayer d'être clair parce que c'est quand même un petit peu complexe. Mais c'est parce que le nom est tellement poétique, peinture de lumière, il me semble. C'est ça. Donc, dans le fond, pourquoi vouloir absolument connaître la fabrication exacte? Mais en même temps, c'est les jeux, ça, pour bien comprendre, c'est peut-être un peu les jeux qu'on peut faire avec une lampe de poche, là, où on va prendre une photo longue exposition puis on va écrire notre nom dans le noir. Là. Okay. C'est le même concept, sauf qu'au lieu de spatialiser une lumière, donc la lampe de poche, on va spatialiser une vidéo. Donc, okay. Une vidéo qui, elle, présente toutes les couches que je vous parlais tout à l'heure, là, de cryogénée ou d'IRM, de résonance magnétique. Donc, la vidéo joue, et cette vidéo-là, on va la déplacer dans l'espace. Donc, la photo, elle, qui expose, elle expose toutes ces couches-là de la vidéo stratigraphique. Donc, elle recompose finalement toutes les couches du corps humain dans l'espace parce qu'on déplace un écran sur lequel une vidéo, là, roule. Donc, OK. Donc, c'est quand même une technique assez qui me semble assez complexe, à tout le moins. Ben, peut-être complexe à expliquer. Au final, ouais. C'est pas très compliqué. Finalement, okay. j'ai une caméra photo qui prend une photo longue exposition, okay, devant laquelle j'ai une vidéo qui est exposée. Et puis, je déplace cet écran-là sur lequel la vidéo roule, ouais, image par image. Donc, voilà. Et pour accompagner cette projection-là, il y a une ambiance sonore qui est signée par le groupe Boom Jacac. Je sais pas si je l'ai dit comme il faut. C'est parfait, Boom Jacac. Un groupe de percussions vocales et corporelles. Et puis, je les ai découverts il y a 5-6 ans. Ils ont sorti un album il y a 3 ans de leur travail. Et puis, j'étais fasciné par l'exploitation du médium, là, du corps, là, pour la création musicale. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est simplement avec leur corps humain, donc les percussions corporelles et vocales, c'est à partir de ça qu'ils créent toute leur ambiance musicale. Donc, je trouvais que c'était comme un lien formel parfait, là, avec mon travail. Puis, est-ce que c'est une pièce qui a été créée pour votre travail? Oui, c'est une création originale pour okay. Le projet. Ouais. Donc, ça fonctionnait très bien. D'ailleurs, j'ai une question. En fait, c'est sûr, j'ai une question. On fait une entrevue. Vous avez fait une résidence à la bande vidéo sur laquelle vous avez travaillé sur Corps étranger. C'était quoi le but en fait de votre résidence à la bande vidéo? Qu'est-ce que vous vouliez faire en fait de cette résidence-là versus ce que vous avez accompli? Ben moi, je suis arrivé avec des images que j'avais déjà tournées chez moi. Il n'y avait pas de montage, donc pour moi, ça a été un mois où j'ai pu me concentrer à la bande vidéo pour créer vraiment le projet. Parce qu'à la base, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de projet, il y avait juste des séquences d'images comme ça qui n'étaient pas assemblées les unes avec les autres. Donc, et puis j'ai été confronté aussi à l'espace d'exposition. Donc l'espace aussi m'a un peu dicté le projet, ce qui était possible de faire et tout. Donc vraiment, ça a été la création, le film et l'installation projet immersive a été créé avec l'équipe là, de la bande vidéo. C'est vraiment avec les échanges que j'ai eus là-bas et puis avec la salle que le projet s'est construit. Le projet aurait été différent s'il avait été produit ailleurs. Et là, vous parliez tout à l'heure, ce que vous présentez, c'est un peu comme un laboratoire. Il y a des estampes au mur en linogravure. Donc, j'imagine le projet se poursuit pour un certain temps encore. Là. Exactement. Donc, j'ai une autre résidence. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai une résidence au Brésil. Oh, wow! Félicitations. Au musée d'images et du son à São Paulo. Et puis là, je vais en profiter pour développer le deuxième volet là, du projet sur le corps humain. Donc, il va, lui, être en linogravure et en xylogravure animée. Ouais. Mais, et ça sera quand, ça, cette résidence-là? Ben, c'est bientôt. Je pars le 21 octobre. Ah oui, donc très, très bientôt. Donc, très j'imagine. Bientôt, oui, ça s'enchaîne bien. Là. C'est super. Et j'imagine qu'on va avoir comme des suites de ça. Là. Ça va être disponible sur votre site Internet où les informations pour les expositions, tout ça, vous allez faire quelque chose en revenant? Ben oui, mais il y a déjà ma page Facebook où il y a quelques entrevues, où il y a de l'information, donc Nicolas Brault Film. Et puis le projet, dès que l'expo se termine à Québec, va être présenté au Festival du Nouveau Cinéma à Montréal. La projection immersive, mais à l'Agora des Sciences de l'UQAM pour une journée. Okay. Et puis le volet court-métrage, lui, est en compétition officielle aussi au FMC cette année. Voilà. Ben Nicolas Brault, merci beaucoup. Ben, merci pour l'entrevue. Donc, Corps étranger est présenté à la bande vidéo jusqu'au 13 octobre. On fait une courte pause. Au retour, on discute avec Richard Martel autour des célébrations pour le 35e anniversaire de la revue Inter Art Actuel. En 2013, CKRL a 40 ans. Merci de nous avoir témoigné tout au long de l'année votre grande fidélité. Maintenant que 2013 tire à sa fin, c'est à notre tour de vous gâter. Pendant tout le mois d'octobre, à chaque jour de semaine, soyez à l'écoute des matins éphémères et de Change de disque et courez la chance de gagner un prix. Plus de 40 cadeaux pour nos 40 ans. Est-ce que je peux gagner le 11 octobre? Oui. Le 3? Oui. Le 28? Oui. Le 19? Ben non, c'est un samedi. Le 31 octobre, parmi tous les gagnants du mois, un panier cadeau d'une valeur de 200$ sera offert par la chocolaterie Érico. Juste à temps pour l'Halloween. Un numéro à retenir, 418-640-1586. Soyez attentifs. Le concours est réservé aux membres de CKRL et à ceux qui souhaiteraient le devenir. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 14 octobre, 20h, au Cercle, bleu contre orange, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. La 23e édition du Symposium provincial des villages en couleurs de Lens-Saint-Jean et Petit-Saguenay se tiendra du 11 au 13 octobre sous la présidence d'honneur de M. Paul Giroux de Québec. Le symposium accueillera 44 artistes peintres et sculpteurs en provenance de tous les coins du Québec, ainsi que de la Belgique et du Nouveau-Brunswick. Les artistes travaillent sur place et vous pourrez les rencontrer et admirer leurs œuvres dans les deux salles d'exposition situées au Mont-Édouard de Lens-Saint-Jean et à l'Aréna de la Vallée de Petit-Saguenay. La 23e édition des rendez-vous Estrade du 10 au 14 octobre dans le quartier Petit-Champlain. Plus de 30 artistes du Vermont, du Massachusetts, du Québec et de Québec vous livreront une musique traditionnelle bien de son temps. Rêve du Diable, Jérémia McLean et David Surette, Serre l'écoute, Notorious et bien d'autres, sans oublier les nombreux ateliers, la joute chantée et la randonnée. Les rendez-vous Estrade, une vision contemporaine des traditions vivantes des cultures d'ici et d'ailleurs. Estrade.qc.ca. Bob Dylan, Richard Séguin, Emmylou Harris, Lucinda Williams, Folk d'Amérique. Avec podcast, Leonard Cohen, Lila Downs. Folk d'Amérique. Lisa Leblanc. Lightning Hopkins. Neil Young. Tous les mardis soirs à 18h30 sur les ondes de CKRL. La radio qui cultive ses racines. Avec Gilles Chaumel. On est de retour à l'aérospatiale. Julie Gagné, toujours avec vous, en compagnie de Jacques Gignac à la mise en onde. Et on est rejoint par Richard Martel. Bonjour. Bien le bonsoir, plutôt qu'il s'en vient. Oui, c'est ça, hein, mais c'est parce qu'il fait clair encore. Ouais, fait que je me garde pour le bonjour, là, le temps que je peux. Richard, bon, t'es directeur artistique des éditions Intervention. Cette année, c'était l'anniversaire du lieu, mais également, là, vous célébrez demain le 35e anniversaire d'Inter Art Actuel. Mm-hmm. 35 ans déjà, le titre le dit, hein? Ben oui, hein, ça fait. Nous, on emploie le concept d'art actuel dans le sens de actuel, acte, plutôt que maintenant, là. OK. Ben, c'est les deux, parce que quand tu es en acte, tu es nécessairement dans le jour, ou du moins dans l'action, ou dans le moment. Et puis, effectivement, dans ce numéro-là, qu'on appelle le 35e, qui est sur le performatif, bien, on a un article d'Alain Martin, sans ponctuation. Oui, oui, c'est une phrase de 6000 mots, c'est ça? Une phrase de 6000 mots. Quand même, hein? Et on a sur deux pages aussi tous les couverts de la revue, c'est-à-dire 115 numéros, et avec la liste aussi de tous les gens qui ont participé au comité de rédaction depuis le premier numéro. OK. Ça doit être impressionnant. Et aussi la liste du comité de rédaction internationale. Alors, c'est quand même une information qui est assez intéressante aussi au niveau de la revue, pour souligner, évidemment, notre 35e anniversaire. C'est sûr, on aimerait ça avoir plus de lecteurs, mais notre problème est souvent au niveau de la diffusion puis de la distribution. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est autre comme débat, tous mais... les magazines culturels qui sont pas finalement des mensuels. C'est ça aussi. On a fini par apprendre qu'on était qu'un mois en tabagie. On pensait que comme on était trois par année, qu'on serait quatre mois en tabagie. Mais ouais. Oh, en tout cas, bref. Il y a aussi un article assez intéressant dans ce numéro-là, parce que j'ai participé au mois d'octobre dernier à Vancouver à une réunion. Ça s'appelle Retreat, une retraite d'organisateurs de festivals de performance. Alors, on publie dans ce numéro-là, dans le même numéro, le résultat, autrement dit, de la retraite en français et aussi en anglais. Okay. Parce que ça s'est déroulé, évidemment, en anglais, avec la liste des festivals, comment ils s'organisent, le calendrier d'activité des festivals de cette année. Donc, pour ce qui est, évidemment, de la filière qu'on pourrait appeler ici, dans le cas précis, canadienne. Donc, mais c'est sûr que nous, on est beaucoup plus indépendantistes, mais quand même, je veux dire, au niveau qu'on a quand même une certaine forme de solidarité avec les autres artistes des autres pays. Puis pour nous, comme le Canada est un autre pays comme les autres, pour nous, on peut être en relation avec le Canada comme on peut l'être avec les Français. Et à partir de ça, là, ben, une série d'articles sur les divers trucs de performance qui se passent ici à Québec, sur le rapport à conférence, la performance, des articles divers, et évidemment aussi sur la poésie, etc. Bon, j'ai fait aussi un article où j'essaye d'expliquer que notre Festival international de performance, comment il se situe par rapport à l'échiquier international. Ouais. On a quand même fait la prochaine, ça va être la 18e édition. On est le plus vieux festival au monde. Ah, quand même? Oui, on est le plus avec la fréquence. Il y avait Blaine Maudit, Julien Blaine, que pour lui, j'ai posé la question, puis il m'avait dit qu'il pensait que c'était le festival polyphonique qui était peut-être le plus vieux. Parce que Jean-Jacques Lebel, qui le faisait, ben il a commencé à faire en 65 le festival de la Ligue d'Expression. Sauf que comme Jacqueline Cahen, qui était, appelons ça, la secrétaire du festival, est décédée il y a quelques années. Alors, il n'y a pas eu d'autres festivals polyphoniques depuis cette période. Donc, j'en déduis qu'on est d'accord, peut-être le festival le plus important. Mais on est là pour parler de la revue, donc, ben évidemment. Ouais. Mais moi, j'aimerais savoir, Richard Martel, comment ça s'est passé, là, en 1978, là, ça venait pas de nulle part. OK, on se fait une revue, là, il y avait un besoin, là. Il y avait rien. Il y avait une galerie qui faisait des gravures dans les années 70 qui a fermé ses portes, soi-disant, pour il n'y avait pas d'avenir pour l'art contemporain à Québec. Ouais, c'est ça, tout le monde partait à Montréal. Ouais. Et n'oublions pas que les fonctionnaires, c'est les fonctionnaires de la culture, qui avaient dans leur tête, c'était on met l'art contemporain à Montréal et on met l'art ancien à Québec. C'était pas plus compliqué que ça. Alors nous, on s'est dit, et surtout qu'un artiste comme Robert Filliou, qui était passé chez nous, qui est un artiste merveilleux d'ailleurs, qui a été extrêmement influent au niveau des 25 dernières années peut-être. Filliou était venu à Québec et puis on avait discuté avec lui. Puis la théorie de Filliou, c'est quand t'es pas capable de faire ton travail artistique où tu es, c'est qu'il y a un problème. Mm-hmm. Et s'il y a un problème, il doit avoir nécessairement une solution. Alors, la solution, nous, ça a été, évidemment, avec la création des centres d'artistes, avec la création de la revue Inter, avec la création du festival, de permettre aux artistes ici, à Québec, donc, de pouvoir rester sur le territoire, tout en ayant des possibilités d'être en action ou en interaction avec les autres. C'est ce qu'on a fait par la suite, donc, quelques années plus tard, parce que là, évidemment, on l'a revu à 35 ans, mais dans les années 2001, on a commencé à faire des échanges avec les autres pays. Je veux dire, le lieu a envoyé 34 artistes à Mexico. Ça fait 4 projets importants qu'on fait on a fait avec Cracovie en 2004. On a fait en 2008 avec la Havane. En 2011 avec le São Paulo. Donc, et évidemment, à chaque fois, on fait une publication, souvent, là, sur le sujet, ce qui permet de faire avancer la cause. Mais ouais. Et dans ce numéro qu'on appelle appelle performatif au pluriel. On a entre autres un index performatif. En fait, c'est ça. Je le trouve très joli. C'est un petit livre qui rentre dans une poche finalement parce que on s'est fait dire depuis des années par surtout les journalistes qui connaissent pas beaucoup l'art, c'est quoi la performance? Peux-tu nous donner une définition? Ouais, puis c'est toujours difficile de circonscrire là. Aussi. Mais donc on a pensé à demander à certains pas spécialistes mais des gens divers auteurs qui sont théoriciens et praticiens de la performance de commenter à l'aide de concepts comme le mot risque, le mot contexte, le mot encodage, corps et finalement intermédia, essayer de définir ces termes là. Donc et c'est un petit guide qu'on a dans la revue à la fin qui est collé dans en colle sèche et puis c'est offert évidemment avec ce numéro là puis ça permet de mieux expliquer et ça nous a demandé un travail supplémentaire mais on est quand même bien satisfait du oui, produit. Oui, puis ça reste aussi là oui. Par la suite ça peut devenir ben on a fait des copies supplémentaires aussi puis que lors de festivals par exemple les gens ou les journalistes souvent bon outil de médiation oui, aussi. Oui, et puis je tiens à vous faire remarquer que il y a plusieurs années, je travaillais avec quelqu'un qui m'avait dit ça. Il dit, peux-tu nous expliquer c'est quoi la performance? Mais j'avais fait une espèce de petit texte très rapide. Et par la suite, Arnaud Labelle-Rejoux, qui a fait le gros livre sur la performance en France, il considère que c'est la meilleure définition en français sur la performance. Ah ouais, bon. Et il y a eu la grosse exposition à Nice il y a l'an passé, qui faisait un bilan de 50 ans de performance sur là. Et Éric Mention, qui organisait l'exposition, a cité ce texte-là aussi au début. Ah ouais, bon. Comme étant la meilleure définition encore sur la performance. Donc, c'est sûr qu'ici, à Québec, particulièrement, cette discipline, autrement dit, est très, très pratiquée et bien pratiquée aussi, et particulièrement par la relève, les jeunes qui s'en viennent, évidemment. Donc, évidemment, avec le lancement qu'on fait demain, de la revue et aussi. Ouais, parce que là c'est ça, là, il y a le lancement de la revue, mais il y a aussi le lancement du livre et du DVD sur la rencontre internationale d'art performance 2012. Mm-hmm. Il y a votre nouveau site web. Oui. Puis il y a aussi bon des performances, on y reviendra, ouais. Mais comme là vous êtes vraiment gâtés là dans les lancements pour demain. Ben c'est qu'à un certain moment donné, on n'est pas une grosse équipe et on fait beaucoup de production aussi. Et puis on s'était dit, mais 35 ans, ça arrive pas tous les ans comme on dit. Surtout pour une revue en heure actuelle. En heure actuelle, on en fait quand même 3 par année. C'est rendu numéro 115 là. Ouais, 115. On fait le prochain, c'est 116. Évidemment que j'aurais jamais cru ça il y a 20 ans. Quoi qu'à l'époque j'avais dit si on en fait un, on en fait 2, 5, 10, 20, 40, 50. Donc, c'est vraiment au jour le jour, finalement, si je comprends bien. J'y aurais passé ma vie, finalement, une grande partie de... Ben oui, parce que vous êtes là, Richard Martel, vous êtes là depuis le début. J'ai parti de la revue en 78. J'ai parti le lieu aussi en 82. J'ai parti le festival aussi. Mais dans les cofondateurs de tout ça, il y en a encore beaucoup, là, oui. Qui sont très, très présents. Oui. Là, mais il y en a qui sont plus présents. Il y a Alain Martin-Richard, justement, qui a fait ce grand texte, très très intéressant d'ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, dans un avolé sans ponctuation, d'une seule phrase, autrement dit, de 6000 mots. C'est très agréable. C'est sur l'histoire, justement. Ouais. Là, il reprend tout depuis le début, en donnant évidemment un peu de théorie aussi, d'expliquer les enjeux dans lesquels la revue s'est trouvée prenante. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la liste des comités de rédaction, ça peut informer, évidemment, pour les gens qui voudraient savoir comment ça la chair humaine qui fabrique cette revue et qui la fabrique encore d'ailleurs. Donc, lancement de la revue, lancement du livre, du festival, dans lequel, vous savez qu'à toutes les fois on fait un festival maintenant, on a une discussion et il y a aussi à la fin, en plus des données sur les performances, on a quand même chaque soirée couvert par un auteur différent, ce qui fait aussi avancer le discours, la théorie sur le sujet. D'ailleurs, c'est pour ça que notre festival est très très respecté à travers le monde maintenant à cause aussi de nos publications. Et ça, c'est vraiment important. Donc, lancement de la publication avec le DVD fait par Jean-François Dugas qui est en train de se terminer. Et puis aussi deux performances, et évidemment le lancement de notre nouveau site web en même temps et Julie Gagnon avec David Dulac. Ouais. Et les gens, vous savez peut-être qu'aujourd'hui j'ai fait deux radios, deux interventions avec ce qu'on appelle chez nous les radios poubelles, là, mais en tout cas, c'est pour nous l'idée de voir si on est capable d'avoir un peu plus. Les gens focusent beaucoup là-dessus. Ici, à CKRL, on ne focus pas là-dessus, mais plutôt sur les idées, la théorie, évidemment, parce que c'est plus c'est moins dans le spectaculaire qu'on travaille ici. Donc, on est quand même très satisfait en espérant, évidemment, que dans le cas de David Dulac, c'est sûr que moi, que je l'ai eu comme étudiant, dire, les performances que je faisais, qui ont été faites, elles ont été faites au lieu. Donc, c'était naturel pour nous, avec tout ce qui s'est passé, et on reviendra pas là-dessus, de lui offrir la possibilité de présenter un travail pour démontrer que son travail n'est pas nécessairement qu'un produit qu'on pourrait appeler de audacieux dans le sens négatif, mm-hmm. mais aussi pour démontrer aussi que cet individu est un individu qui a un potentiel selon nous comme performeur. Ben ouais, c'est ça, c'est un artiste puis vous le supportez aussi là. Oui, parce que on s'excuse peut-être à ce niveau-là, mais on a toujours été un peu du côté des dissidents. Mm. On était comme on est plus dans le côté de l'alternative et donc on se rend compte aussi que c'est très important. Donc aussi si faut aider le faible et l'orphelin en bon québécois, mais c'est pas David n'est pas de cet acabit, mais je voulais dire c'est une figure de style en fin de compte. Ça fait partie des aventures du lieu et aussi du fait qu'on travaille beaucoup dans leur action et la performance. Donc, ça nous permettait de mettre un peu de pratique, autrement dit, dans cet événement de lancement théorique. Et voilà, cet événement a lieu demain à 17h au lieu. L'adresse 345 Dupont? 345 rue Dupont. Voilà. Et sinon, c'est inter-lelieu.org où vous regardez dans Facebook à inter-lelieu. Voilà, Richard Martel, merci beaucoup. Merci, Julie. Puis on vous souhaite encore 35 ans au moins pour la revue. Pas à vous, à la revue Inter. À la revue Inter. Voilà, on s'en va en pause, on écoute Not That Ready sur les ondes de CKRL. On est de retour à l'aérospatiale et j'accueille Fanny Hénon-Lévy qui est allée faire un tour à Engram. Bonjour Fanny. Salut Julie. T'es allée voir l'exposition de Caroline Gagnon, Débordement? Débordement, qui est du 7 septembre au 13 octobre, je le dis tout de suite, comme ça ce sera fait, c'est à Engram. Et c'est jumelé à une exposition qui s'appelle Corps étranger de Nicolas Brault. Dont on a parlé, avec qui on a parlé tout juste 15 minutes. C'est ça, donc à la bande vidéo. Donc c'est intéressant de voir que ces deux expos-là étaient jumelés. Mais là, je me focaliserai, promis, plus sur Caroline Gagnon. Alors, on a une artiste ici qui travaille autour de la lithographie. Je dis bien autour parce que son thème de prédilection et ce qui l'intéresse, c'est la lithographie et évidemment le matériau spécifique à la lithographie, c'est le tush, donc qui est une sorte d'encre quand même assez épaisse et qui s'utilise dans tout le procédé assez long de lithographie. Donc j'ai trouvé cette exposition intéressante pour plusieurs raisons. Déjà, on parle d'une technique qui est là à l'horizontale, mais qui est nulle part. En fait, elle est absente parce que elle ne montre pas de lithographie. Ouais, c'est ça. Elle propose de l'impression numérique d'une photographie de lithographie agrandie. Elle propose un vidéo du touch en coulure. Donc avec un montage, etc. Et elle propose sur les vitres, donc c'est un travail in situ, sur les vitres d'Engram, des impressions, hein, c'est sur du papier, attends un peu, c'est du papier Millard, donc c'est du film polyester utilisé en photo. Elle a fait couler justement le touch sur le Millard. Donc elle nous propose un geste qui est plus proche du dessin et du geste physique. Elle nous propose de la photographie et elle nous propose un vidéo. Donc elle a un rapport à la matière, une réflexion sur la matière et une réflexion sur le temps qui est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'elle prend un prétexte de prendre la lithographie. Évidemment, elle utilise le touch qui est utilisé en lithographie, mais elle prend ce matériau-là pour le décomposer et le morceler complètement. Et le rapport au temps est hyper intéressant parce que dans le vidéo, en fait, ce matériau-là qui met longtemps à sécher, on sait que la lithographie, c'est un procédé très long, très fastidieux, avec beaucoup d'étapes, donc vraiment un temps qui s'étire pour donner un processus qui arrive vers un résultat qui est super, mais qui est quand même très long. Elle nous l'accélère en nous photographiant ça et en nous mettant un agrandissement de la lithographie. À côté de ça, elle nous met un dessin. C'est pas vraiment un dessin, c'est une coulure qui elle-même va travailler avec le temps et le temps de séchage. Donc là, encore une fois, elle change un peu le procédé. Elle change même complètement le procédé. En fait, elle dévie. Ouais, elle détourne. Hein. Elle détourne complètement le matériau. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et le rapport au temps, il est présent partout. Parce que dans le vidéo, même si on a un vidéo puis qu'on se dit, bon, bah, ça bouge, c'est vivant, je trouve que le matériau est complètement enfermé. On la voit, la coulure, mais ça, c'est monté en boucle. Puis c'est saccadé, puis on se dit, mais ça s'arrête, en fait. En fait, elle le mortifie. Ouais. Elle le mortifie par la photographie, elle le mortifie par la vidéo. Alors tu pourrais penser qu'elle continue à lui donner vie. Donc elle inverse tout le procédé. T'as vraiment l'impression qu'elle est venue mélanger, mettre ça dans une boîte, puis mélanger très fort. Et donc le temps et la matière sont complètement en train de se bousculer. Donc je trouve ça intéressant. La mise en espace aussi est intéressante parce que tu rentres. Ton premier regard est pour la photographie. Ouais. Donc là, t'es complètement aspiré par cette. Ouais, c'est du très grand format. C'est là. Un très grand format, c'est superbe, faut se l'avouer. C'est vraiment très réussi. Ça te donne une matière un peu magma, épaisse. Tu rentres dans quelque chose de très organique. Je trouve que la matière est très organique en ça. C'est très réussi. Et ensuite, donc Avant de voir l'installation qui est au fond, tu vois le vidéo et quand tu le mets en lien avec l'installation qui est dans les vitres, ça donne vraiment une perspective. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant là. Après, j'ai passé du temps. J'ai passé beaucoup de temps parce que c'est une matière qui est pas une exposition facile, accrocheuse et accessible. Parce que visuellement, c'est quand même très très simple aussi là. Donc ce qu'on voit là, c'est comme les, je peux pas dire des coulisses parce que elles sont pas fines. Tu sais, on voit plus une espèce de, en tout cas, ils ont des coulisses là. Ça. Ouais, c'est ça. Ça en est quand même, mais on sent que le temps a travaillé et la matière joue énormément avec ce temps-là justement. Et ce que j'ai trouvé un peu moins réussi, c'est que je pense que dans sa démarche, elle voulait que ça donne l'impression, l'installation des coulisses, comme tu dis, donne l'impression que ça continue à bouger. Et en réalité, le temps est arrêté de façon systématique avec ce matériau-là. Ce qui est pas le cas en lithographie. Quand on est devant une litho, il y a quelque chose de très vivant et de très vibrant. Ouais. Ce qu'on perd là, et c'est conscient, inconscient, hein. Peut-être que justement, le fait de déconstruire ce matériau-là de lithographique, c'est ça qui l'intéressait, et puis justement d'arrêter, de le forcer à s'arrêter, de que le processus fige. Alors, c'est ça. En tout cas, c'est... Et comment t'as trouvé l'installation, l'utilisation des fenêtres? Parce que, tu sais, souvent, en grande, ça peut paraître comme un handicap, parce que grandes fenêtres, c'est rare quand même qu'on les utilise. Souvent, on va construire des cimaises et tout ça, et elle a mis ça. Oui, c'est un travail in situ. J'ai trouvé. T'es resté plutôt neutre devant cette utilisation-là. Si tu veux, oui, il y a tout un. On pourrait en parler de la lumière. On pourrait. C'est sûr qu'il y a la matière, le temps, et puis il y a le travail de la lumière. C'est sûr qu'elle voulait jouer avec ça. J'ai pas trouvé ça si pertinent que ça. Ouais. J'ai trouvé que ce qui était réellement happant, c'était le rapport à la matière. Et finalement la coulure sur les fenêtres qui vient obstruer complètement la vue de l'extérieur. Si c'était complètement englobant, si je l'avais eu tout autour de moi, là j'aurais vraiment eu un yes, ça aurait plus ça, fonctionné. Ouais, ça marche, ça aurait marché, ça aurait été extraordinaire. Mais regarde, c'est l'espace aussi. Ça, c'est les conditions de l'espace. C'est pas l'artiste non plus. Mais ouais, c'est ça. Toujours des choses qui sont extérieures à ce qu'on peut faire ou non. Là. Oui, puis c'est ça. Quand je te disais, j'ai passé du temps. C'est vraiment, je me suis éloignée pour vraiment regarder la vidéo et l'installation, parce que tu as le choix aussi de t'asseoir et de regarder juste la vidéo. La vidéo seule est pris seule, ces éléments-là, ils sont moins intéressants que si tu les regardes globalement. Il y a vraiment quelque chose qui vient te faire bouger quand tu les regardes ensemble. Donc, c'est ça. Si vous avez le temps de... T'invites les spectateurs à prendre le temps, auditeurs à prendre le temps. Oui, c'est ça, parce que c'est pas une expo qui se regarde, tu rentres, tu sors, ou en tout cas, laissez-vous inspirer par la matière. Voilà. Fanny Non-Lévy, merci beaucoup. Salut, Julie. Donc, l'exposition de Caroline Gagnon s'intitule Débordement. C'est en gramme jusqu'au 13 octobre. On fait une pause audio, une pause musicale, tiens. On écoute Atarasik sur les ondes de CKRL. Okay. L'émission tire déjà à sa fin. C'était la pièce qu'on a entendue, c'était Atarasik de Apes on Tapes, tirée de l'album Foreplay. C'est une suggestion de Simon Roy. Simon Roy qui anime Web Musique sur les ondes de CKRL. Je vous réinvite à aller sur le site laérospatiale.wordpress.com pour l'émission en balado-diffusion. Les liens pour le téléchargement des pièces, les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier, les communiqués de presse également en art visuel. Vous pouvez aussi venir nous aimer sur Facebook pour être un peu au courant de ce qui se passe durant la semaine à l'aérospatiale. Et en terminant, je vous invite à aller ce jeudi au 5 à 7 d'ouverture de la résidence de Oscar Garcia à la Chambre Blanche. Également, vendredi à 17h, c'est le vernissage d'Alexandre Berthier, un autre tremblement qui est présenté à l'établi jusqu'au 26 octobre. Je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde. Je remercie mes invités et collaborateurs. Et je vous laisse avec Jules Chaumel et son folk d'Amérique pour entamer la soirée.